bon. Où grand-mère rugit comme un lion. À la bordage, à l'attaque. Pas de quartier, on a des tours à jouer. À la bordage, à l'attaque. Mes petits pirates, attendez que je vous attrape. Mon poisson est tout déprimé. Son beau rouge est tout délavé. Un plongeon dans le bain à maman. Le voilà joyeux comme avant. À l'abordage, à l'attaque. Pas de quartier, on a des tours à jouer. À l'abordage, à l'attaque. Mes petits pirates, attendez que je vous attrape. Mon amour dans la poche à mon frère. Sa blonde le trouve, se met en colère. Il la regarde avec des yeux ronds. Moi je ris dans ma barbe cachée dans le salon. À l'abordage, à l'attaque. Pas de quartier, on a des tours à jouer. À l'abordage, à l'attaque. Mes petits pirates, attendez que je vous attrape. Le voisin regarde ébahi. Dans son pommier, les pommes sont parties. On a travaillé toute la nuit pour ce beau lunch avec tous nos amis. À l'abordage, à l'attaque. Pas de quartier, on a des tours à jouer. À l'abordage, à l'attaque. Mes petits pirates, attendez que je vous attrape. Il y a un monstre sous le lit de ma sœur qui parle la nuit, qui lui fait peur. C'est pas moi, je suis dans ma chambre. Regardez, je dors comme un ange. À l'abordage, à l'attaque. Pas de quartier, on a des tours à jouer. À l'abordage, à l'attaque. Mes petits pirates, attendez que je vous attrape. À l'abordage, à l'attaque. Pas de quartier, on a des tours à jouer. À l'abordage, à l'attaque. Petit pirate, attendez que je vous attrape. Petit pirate, attendez que je vous attrape. Petit pirate, attendez que je vous attrape.